Mes souvenirs, 6. Le lendemain de ce jour, je me rendis à l'évêché. Monseigneur m'attendait. J'ai vu le docteur, me dit-il, et je sais tout. Après mûre réflexion, voilà ce que j'ai décidé. Vous allez retourner à elle pour quelques jours encore, afin d'enlever à votre départ l'éclat qu'il pourrait avoir, et pour vous et pour la maison que vous dirigez. Je vous donne là une grande preuve de confiance. N'en abusez pas. Faites-vous remplacer le plus tôt possible et revenez ici. Après quoi, on avisera au moyen de vous faire une nouvelle place dans la société. 2 jours après, j'étais à elle. Prévenue de mon arrivée, Sarah m'attendait. Après les premiers embrassements, elle fut frappée de l'air de profonde gravité répandu sur ma physionomie. Comme elle ne m'en faisait l'observation, je m'assis sur le bord de mon lit, lui lançant un regard douloureux. « Ma bien-aimée, lui dis-je d'un accent ému, l'heure de la séparation est arrivée. » Et je lui racontai brièvement ce qui venait de se passer à B. Je vois encore son doux et cher visage et l'air de sombre tristesse qui vint le décomposer. Elle ne parla pas, mais son regard éteint semblait me reprocher, comme une faute, l'importante détermination que j'avais prise sans elle. « Si tu l'avais voulu, disait ce regard, nous pouvions être heureux encore de longs jours. Mais je ne suffis plus sans doute. Tu as soif d'une existence libre, indépendante, que je ne puis te donner. » En effet, il y avait de tout cela dans l'espèce de dégoût qui s'était emparé de moi. Je ne vivais plus. La honte que j'éprouvais de ma position actuelle eût suffi seule à me faire rompre avec un passé dont je rougissais. Ce vaste désir de l'inconnu me rendit égoïste en m'empêchant de regretter les liens si chers que j'allais briser par ma propre volonté. Plus tard, je devais me repentir amèrement de ce que je regardais alors comme un impérieux devoir. Le monde devait m'apprendre bientôt que j'avais fait acte de faiblesse stupide et m'en punir cruellement. Les quelques jours que je passai à elle furent vraiment pénibles. Ma pauvre Sarah ne pouvait dissimuler toujours les larmes qui l'oppressaient. Elle évitait soigneusement la présence de sa mère qui, elle-même, le croirait-on, ne pouvait s'habituer à l'idée de mon départ définitif. J'avais eu, à cet égard, une explication avec elle, et, sans entrer dans le détail des considérations qui me faisaient agir, j'avais été forcée, pour lui en faire sentir toute la gravité, d'invoquer l'autorité de Monseigneur de B, dont la volonté expresse ne me laissait plus la liberté du choix. À ces vagues motifs, qui devait être pour cette mère aveugle un avertissement terrible, elle répondait par une incrédulité vraie ou jouée qui dépasse toute croyance. Je me l'explique pourtant. Tant que j'étais sous son toit, elle ne pouvait donner une raison apparente à ma conduite sans se mettre vis-à-vis de moi sur un pied hostile qui eût éveillé les soupçons de sa famille et du monde. C'est là ce qu'elle voulait éviter à tout prix. Au fond, elle m'a prouvé, je n'en puis douter, et son apparente sécurité cachait d'horribles angoisses dont sa fille était l'objet. Car si, jusqu'alors, elle avait fermé l'oreille à l'évidence, aux suggestions de son médecin, cela ne lui était plus permis. la vérité lui apparaissait dans tout son jour, et quelle devait être sa douleur en songeant aux suites de sa coupable confiance. Rien néanmoins dans ses paroles, dans ses gestes, ne trahissait l'état de son âme. C'était une femme vraiment forte ou d'une niaise ignorance. En face de Sarah et de ses autres enfants, elle jouait un rôle admirable de simplicité touchante, sans aucune affectation, qui ne pouvait donner prise à la plus légère critique. Son affection pour moi était-elle feinte? Je l'ignore. Dans tous les cas, l'esprit le plus prévenu s'y fut laissé prendre. Tous nous trompions et nous étions trompés, et cela de la meilleure foi du monde. Jamais situation plus étrange, plus difficile, ne vint réunir trois personnes dans une communauté d'idées où tout était fausseté indigne, comédie incroyable de sentiments avoués avec le plus magnifique sang-froid. Pour Madame P., j'étais et je devais toujours être la compagne choisie de sa fille. Pour sa mère et les autres, Sarah regrettait en moi l'amie, la sœur, dont elle pouvait hautement déplorer l'absence sans que nul y trouvât à redire. Celui qui, initié à tous ces mystères, nous eût vus tous les trois, discutant le nombre de jours que je passerais encore dans la maison de L, se fût cru à une représentation de Figaro ou du gymnase, et assurément jamais acteur idolâtré n'eût mis plus de vérité dans un rôle invraisemblable. Chaque jour amenait une nouvelle scène, à ce point que j'en étais abasourdi, exaspéré. Un après-midi, pendant que les élèves étaient en récréation, j'avais suivi Sarah dans sa chambre. Mon départ était toujours le sujet de la conversation et de nouvelles larmes. Mon amie, debout à sa fenêtre et une main passée autour de mon cou, pleurait silencieusement quand sa mère entra tout à coup avec sa sœur cadette. Toutes deux s'assirent naturellement, comme pour s'associer à notre chagrin. Madame P. nous regarda tranquillement. « Mademoiselle Camille, me dit-elle, vous voyez combien vous êtes regrettée et vous persistez donc dans votre résolution? Qui vous remplacera près de Sarah, près de moi ?» Je ne saurais dire l'effet que me produisirent ces paroles. J'en fus terrassée. C'était le comble de l'audace ingénue. C'était tenter Dieu. Devais-je répondre par un aveu brutal et flétrir cette chaste fleur dont le parfum m'enivrait encore? Non, assurément. Au prix de toute sa vie, Sarah ne se fût pas exposée à rougir devant sa mère et sa sœur. Le secret de notre amour devait mourir entre Dieu et moi. Je répondis donc qu'une force indépendante de ma volonté m'obligeait à partir promptement, sans regarder en arrière. La jeune femme présente à cet entretien se taisait, et je comprenais instinctivement que mon secret n'en était plus un pour elle. Sarah occupait toute son attention, elle épiait tous ses mouvements. La pauvre enfant, tout entière à sa douleur, ne voyait pas cela. Elle me tenait embrassée. Chacune de ses larmes était accompagnée d'un sanglot expressif. L'heure de la classe vint mettre fin à cette scène pendant laquelle je fus au supplice. Peu de jours après, Madame P. fit une absence et me prévint, à son retour, qu'elle avait trouvé à me remplacer, grâce à l'inspecteur de l'arrondissement. Je me préparais donc à partir d'un moment à l'autre, non sans un grand déchirement. La jeune fille annoncée arriva enfin. Je la reconnus pour une ancienne élève de l'école normale de D. Nos rapports furent assez froids. Sa présence était pour moi une gêne perpétuelle et le signal d'une séparation, désormais inévitable. Témoin de l'intimité qui me liait à Sarah et des regrets de sa mère, elle recherchait en vain les causes de mon départ précipité. Elle fut bientôt convaincue qu'à l'exemple de ma tante, qui avait été sa compagne d'études, j'allais entrer en religion. Sa supposition me fit sourire, mais je ne crus pas nécessaire de la désabuser. Je devais rester 2 ou 3 jours de plus pour la mettre au fait de notre mode d'enseignement, non pas que je le jugeasse nécessaire, mais parce que Madame P. m'en avait prié. Sarah lui parlait peu. Elle lui avait déplu tout d'abord. Cela devait être. Elle pouvait prendre ma place, mais non pas me remplacer. Le soir même de son arrivée, je manifestai l'intention de lui donner mon lit au dortoir, qui, maintenant, devait être le sien, et d'occuper la petite chambre de Sarah. Mon ami voulut m'en détourner, sa mère m'approuva. Nous fûmes donc séparés cette première nuit, mais le lendemain matin, Sarah vint faire sa toilette près de moi après m'avoir offert son bonjour quotidien. Il en fut ainsi jusqu'à mon départ, fixé définitivement à la fin de la semaine. Monsieur le curé en avait été prévenu par une lettre de Monseigneur de B, aujourd'hui archevêque de... J'allais donc, par pure bienséance, lui en parler. Je m'en repentis cruellement. Cet homme absurde ne trouva pas un mot encourageant à me dire dans la situation incroyable qui m'était faite. Rien ne pouvait fléchir l'inflexible rigueur de cet homme. Il ne me pardonna jamais. Que lui avais-je fait? Rien. Inutile de dire que je ne retournais pas lui faire mes adieux, bien que Madame P. m'en eût prié. Je ne vis personne à elle, et, bien que mon départ y fût déjà connu, il se fit sans bruit, sinon sans les commentaires obligés qui servent d'aliment aux causeries de commères en province. Mon dernier jour était arrivé. J'allais enfin quitter la douce retraite, témoin de mes joies ignorées. J'allais voir, sous une nouvelle face, ce monde que j'étais loin de soupçonner. Mon inexpérience me préparait de tristes désenchantements. Je voyais tout alors sous un jour radieux et pur de tout nuage. Pauvre insensé que j'étais, je tenais le bonheur, la vraie félicité. Et j'allais, de gaieté de cœur, sacrifier tout cela à quoi? À une idée? Une sotte peur. Oh, je l'ai bien expié. Au reste, à quoi bon les plaintes, les regrets? J'ai subi ma destinée. J'ai accompli avec courage, je crois, les devoirs pénibles de ma situation. Beaucoup riront. Cela je leur pardonne et je leur souhaite de ne connaître jamais les douleurs sans nom qui m'ont accablée. Mes préparatifs étaient terminés. J'avais fait mes derniers adieux à mes élèves. Pauvres chers enfants, avec quelle émotion j'avais embrassé leur jeune front. Je les contemplais avec amour, me reprochant presque les jours passés avec elles dans une grande et si étroite intimité. Il était 7 heures du matin. Sarah devait venir m'accompagner jusque sur la grande route où passait la diligence. J'avais le cœur affreusement serré quand je m'approchais de Madame P. pour prendre congé. Elle, de son côté, souffrait violemment. La douloureuse contraction de ses traits le disait assez. Il y avait beaucoup de choses dans son silence. Du regret d'abord. Car, malgré tout, elle m'aimait sincèrement, loyalement. Mais, à côté de cette affection spontanée, il y avait du ressentiment, je n'en doute plus. Elle y voyait clair, alors. Pouvait-elle me pardonner le rôle mystérieux que j'avais joué dans sa maison, près de sa fille dont la pureté lui était si chère? Je ne puis croire néanmoins qu'elle soupçonnât l'intimité de nos relations. Non. Car avec la violence de ses sensations, elle en eût été foudroyée. Ma bonne foi lui était un sûr garant de la chasteté de son enfant. Rare et déplorable naïveté de la part d'une mère. Dans son ignorance des choses de la vie, elle ne pouvait admettre que je pusse reparaître dans le monde avec un nom, un état approprié à mon sexe. « Ainsi, chère Camille, me dit-elle, il me faudra un jour peut-être vous appeler monsieur ?»« Oh non, cela ne sera pas, dites. Cela sera pourtant, madame, et avant peu sans doute. Demandez plutôt à monseigneur de B. » Mais enfin, que dira le monde? L'éclat qui en résultera retombera nécessairement sur ma maison. Et alors? C'était là sa plus grande préoccupation, son cauchemar. Elle voyait son pensionnat perdu, sa considération gravement atteinte. Devant cette perspective, elle oubliait sa fille. Elle ne songeait pas à ce qu'avait pu être le passé, mais à ce que serait l'avenir. Allons. « Adieu, chère fille !» Et l'excellente femme n'en put dire davantage. Sarah s'était détournée, retenant ses larmes. Je lui fis un signe et nous partîmes, prenant un chemin détourné pour ne pas traverser le bourg. J'avais pris son bras, que je serrais étroitement sur ma poitrine. Elle, de temps à autre, me donnait une pression de main. Nos regards se rencontraient alors et suppléaient éloquemment aux phrases qui venaient expirer sur nos lèvres. Quel homme, nous voyant ainsi enlacés, eût pu découvrir le drame mystérieux de ces deux jeunes existences, en apparence si calme, si douce? Le vrai ne dépasse-t-il pas quelquefois toutes les conceptions de l'idéal, quelque exagéré qu'il puisse être? Les métamorphoses d'Ovide ont-elles été plus loin? J'avais pressé une dernière fois dans mes bras celle que j'appelais ma sœur et que j'aimais avec toute l'ardeur d'une passion de 20 ans. Mes lèvres avaient effleuré les siennes. Nous nous étions tout dit. Je partais cette fois en portant dans mon âme tout le bonheur dont j'avais joui pendant ces années. Le premier, l'unique amour de ma vie. La voiture, en s'éloignant, m'avait dérobé la vue de ma bien-aimée. Tout était fini. Je crois avoir tout dit concernant cette phase de mon existence de jeune fille. Ce sont les beaux jours d'une vie vouée désormais à l'abandon, au froid isolement. Oh mon Dieu, quel sort fut le mien! Mais vous l'avez voulu sans doute, et je me tais. De retour à B, il fallut s'occuper des démarches relatives à mon apparition dans le monde civil comme sujet du sexe masculin. Le docteur H. avait déjà préparé un volumineux rapport, chef-d'œuvre de style médical, destiné à provoquer devant les tribunaux une requête en rectification, laquelle devait être ordonnée par la cour de S., lieu de ma naissance. Armé de cette pièce, je partis pour cette ville, muni en outre de recommandations particulières pour le président et le procureur impérial. Ma mère m'accompagnait. Notre première visite fut pour le vieux curé qui connaissait depuis longtemps ma famille. Je n'essaierai pas de donner ici une idée de son étonnement naïf à la lecture de la lettre que lui adressait à ce sujet Monseigneur de B. On le comprendra aisément. De tels faits sont assez rares pour que la curiosité s'en mêle. Monsieur le président de L, de V, nous fit le meilleur accueil. Après avoir pris connaissance des faits et m'avoir adressé quelques questions, « Vous allez, nous dit-il, vous rendre de ma part chez Monsieur D, mon avoué, et lui remettre toutes ses pièces. Le reste se fera sans vous. » Si plus tard votre présence était nécessaire, on vous le ferait savoir. Nous repartîmes dès le lendemain, sans avoir prévenu ma famille de ce qui se préparait pour moi. Je voulais en garder le secret jusqu'au dénouement qui allait être prochain. Une seule personne avait été acceptée, c'était mon aïeul maternel. Lui fut épouvanté. Car il prévoyait à tort une issue dangereuse à notre repos à tous. Je le tranquillisai de mon mieux, l'assurant que tout se passerait légalement et convenablement. Personne autre que lui ne connut donc le motif de notre voyage. Cependant, je dois signaler quelques remarques, au moins étranges, qui furent faites sur ma personne. On m'avoua tout cela dans la suite. Une intime amie de ma mère avait été singulièrement frappée de ma démarche, de mon extérieur, de mes allures tant soit peu cavalières. Autre part, ce fut la même chose. C'était à l'hôpital où j'étais restée pendant 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 10 ans, parmi les jeunes orphelines de mon âge. J'y avais revu l'aumônier avec infiniment de plaisir. La bonne supérieure m'appela encore sa chère fille. Elle nous reconduisit jusqu'à la porte en causant. Pendant ce temps-là, une jeune fille de la maison, dont j'avais été la compagne favorite, nous observait d'une fenêtre. La rusée remarqua que je tenais mon parapluie sous le bras gauche et que j'avais la main droite dégantée derrière le dos. Cela lui parut assez peu gracieux de la part d'une institutrice. Mes mouvements, du reste, étaient en harmonie avec ma physionomie aux traits durs et sévèrement accentués. Il y avait à peu près 15 jours que j'étais de retour à B, lorsque l'avoué chargé de la requête me fit savoir que le tribunal avait, dans une première audience, nommé le docteur G pour procéder à un nouvel examen avant de rendre une sentence définitive, et que ma présence était nécessaire chez le médecin. Il fallut se résigner. Je m'y attendais d'ailleurs. Inutile de dire que ce second examen eut le même résultat que le premier, et que, d'après le rapport auquel il donna lieu, le tribunal civil de S ordonna que rectification fût faite sur les registres de l'état civil, en ce sens que je devais y être portée comme appartenant au sexe masculin, en même temps qu'il substituait un nouveau prénom à ceux féminins que j'avais reçus à ma naissance. J'étais à B lorsque cet arrêt fut rendu. On m'y avait envoyé la minute du jugement, consignée plus tard dans les annales de médecine légale. En consultant cet ouvrage, je découvris que pareil fait s'était passé en 1813, dans un département du Midi, sinon dans les mêmes circonstances, du moins dans les mêmes effets. C'en était donc fait. L'état civil m'appelait à faire partie désormais de cette moitié du genre humain, appelée le sexe fort. Moi, élevée jusqu'à l'âge de 21 ans dans les maisons religieuses, au milieu de compagnes timides, j'allais, comme Achille, laisser loin derrière moi tout un passé délicieux et entrer dans la lice, armée de ma seule faiblesse et de ma profonde inexpérience des hommes et des choses. Il ne fallait plus songer à dissimuler. Déjà, on en parlait tout bas. La petite ville de S retentissait de ce singulier événement, bien fait d'ailleurs pour exciter la critique et la calomnie. Comme toujours, on ajoutait considérablement à la chose. Les uns allaient jusqu'à accuser ma mère d'avoir caché mon véritable sexe pour me sauver de la conscription. D'autres me posaient en vrai don Juan, ayant porté partout la honte et le déshonneur, et profité effrontément de ma situation pour entretenir secrètement des intrigues amoureuses avec des femmes consacrées au Seigneur. Je savais tout cela et je n'en étais nullement ému. Abbé, ce fut bien autre chose. On me vit un beau matin assister à la messe en costume d'homme aux côtés de madame de R, fille de monsieur de Saint-Aime. Une ou deux personnes seulement m'avaient reconnue. C'était bien assez. Toute la ville fut en rumeur. Les journaux se mirent de la partie. Tous, le lendemain, racontèrent le fait. L'un d'eux me comparait modestement à Achille, filant aux pieds d'Omphale. Mais parmi ces fleurs se mêlaient des insinuations perfides, et pour moi et pour d'autres. Après la presse départementale, vinrent les articles plus ou moins piquants de quelques rédacteurs dont je n'ai pas oublié les noms, que certains journaux de Paris reproduisirent immédiatement. la haute société de la ville s'en émut. Je fis le sujet de toutes les conversations à l'établissement des bains de mer. Ce jour-là, quelques notables s'y trouvaient avec le préfet, qui manifesta bien haut son étonnement. Heureusement pour moi, le nom de Monseigneur de B me protégeait. On savait la part qu'avaient prise en cela l'éminent prélat, et on était forcé de s'incliner. Le lendemain même, j'allai lui faire une visite sous mon nouveau costume, ce qui lui permit alors de me témoigner avec plus d'abandon toute son affectueuse bienveillance. Sa grandeur me serra chaleureusement la main, m'appelant son ami. Le souvenir de cette scène m'est encore présent à l'esprit. Oh, je n'oublierai jamais tout ce que je dois à cet homme évangélique et vraiment digne de ses hautes fonctions, tant par l'élévation de son rare génie que par l'immense générosité de son âme. J'avais vu également le docteur H. « Si vous m'en croyez, dit-il, vous allez me suivre à la préfecture. Le préfet désire vous voir et je ne doute pas qu'il soit disposé à vous être utile. En ce moment, surtout, il peut tout pour vous. » Me voilà donc avec le docteur dans le cabinet du préfet, auquel ma visite parut faire plaisir. Il me reçut en père, me questionna amicalement sur mon passé et sur mes projets d'avenir. Ma position était difficile, elle l'intéressa. Je ne sais trop pourquoi l'idée m'était venue d'entrer au chemin de fer. J'en parlai au préfet qui ne me désapprouva pas et me promit de faire une demande à la compagnie de... Puis, souriant gaiement, « Vous savez, me dit-il, quelle tempête vous avez soulevée et les nombreux méfaits dont on vous accuse. N'y prenez donc pas garde. Marchez tête levée, vous en avez le droit. Cela vous sera peut-être difficile, qui ne le comprendrait pas. Aussi, et c'est un bon conseil que je vous donne, résignez-vous à abandonner ce pays pour quelque temps. Je vais m'occuper de cela. » Mieux que personne, j'appréciais la justesse de ce conseil. Je sentais la nécessité d'un éloignement momentané, je le désirais vivement. Ainsi que je l'avais craint, des bruits odieux circulaient dans le public sur l'intimité de mes relations avec mademoiselle Sarah P. Selon les uns, elle était réellement déshonorée. Oh, je l'avoue, ce coup me fut le plus sensible. L'idée de voir cette pauvre enfant victime de la fatalité qui m'accablait m'était insupportable. Le monde, ce juge impitoyable, pouvait impunément flétrir cette sainte affection de deux âmes loyales, lancées ensemble sur le bord d'un abîme secret dont la chute inévitable avait été le lien mystérieux. Stupide aveuglement de la foule qui condamne quand il faudrait absoudre. Je la connaissais assez pour être parfaitement convaincue qu'elle souffrait en silence et avec courage, sans pour cela me maudire. Elle seule peut-être me comprenait. Elle seule m'aimait. Bien longtemps, son souvenir adoré m'a soutenue, m'a donné la force de vivre. Aujourd'hui encore, que tout semble m'avoir abandonnée et que l'affreuse solitude s'est faite autour de moi, comme si mon malheur dût être fatal à tout ce qui me touche, j'éprouve quelque douce joie à penser qu'un être en ce monde a daigné s'associer à ma misérable existence et conserve aux pauvres délaissés un peu de tendre pitié. Peut-être n'est-ce qu'une illusion. Peut-être au moment où j'écris ces lignes, a-t-elle pour jamais chassé de son cœur celui dont elle fut l'unique bonheur? Mon Dieu, que me reste-t-il alors? Rien. La froide solitude, le sombre isolement. Oh, vivre seul, toujours seul, au milieu de la foule qui m'environne, sans que jamais un mot d'amour vienne réjouir mon âme, sans qu'une main amie se tende vers moi. Châtiment terrible et sans nom, qui jamais pourra te comprendre? Porter en soi d'ineffables trésors d'amour et être condamné à les cacher comme une honte, comme un crime. avoir une âme de feu et se dire « Jamais une vierge ne t'accordera les droits sacrés d'un époux. » Cette suprême consolation de l'homme ici-bas, je ne dois pas la goûter. Oh, la mort sera vraiment pour moi l'heure de la délivrance. Autre juif errant, je l'attends comme la fin du plus épouvantable de tous les supplices. Mais vous me restez, mon Dieu. Vous avez voulu que je n'appartinsse à personne ici-bas, par aucun de ces liens terrestres qui élèvent l'homme en perpétuant votre œuvre divine. Triste déshérité, je puis encore lever les yeux vers vous, car vous, du moins, vous ne me repousserez pas. 5 ou 6 semaines après ma visite au préfet, je reçus l'invitation de me rendre à Paris, près de monsieur le chef d'exploitation du chemin de fer de... Cette lettre me combla de joie. À la perspective d'un voyage à Paris, se joignait l'espoir d'abandonner promptement un pays que j'avais pris en horreur et d'échapper enfin à cette espèce de ridicule inquisition dont je me voyais l'objet. Le préfet, que j'allais voir aussitôt, partagea sincèrement ma satisfaction et m'engagea à ne pas différer mon départ. Ma pauvre mère était radieuse, bien que l'idée d'une prochaine séparation vint se mêler tristement à cette compensation qui lui paraissait déjà comme l'aurore d'un avenir radieux. Toujours bon et prévoyant, M. de Saint-Aime m'avait recommandé instamment à Paris à l'un de ses petits-neveux qui, depuis longtemps, habitait cette ville. Ce dernier n'était pas étranger pour moi, il me connaissait. Il connaissait ma mère et l'attachement véritable que lui avait voué toute sa famille. Aussi me fit-il l'accueil d'un frère. Grâce à lui, je ne connus pas le terrible embarras du provincial, jeté seul et pour la première fois dans le tourbillon de ce tumultueux Paris.